mais je m'en tape. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la chronique Je m'en tape, une émission dédiée à la découverte du développement personnel pour créer une vie qui vous ressemble en développant vos savoir-être. Je suis Émilie Adam, coach en développement personnel et professionnel, et je suis heureuse de vous présenter cette chronique dont le principe est de rendre accessible une notion de développement personnel et de donner des éléments concrets pour avancer. Alors c'est parti, aujourd'hui nous allons parler de la notion de développement personnel. Alors le développement personnel, c'est un terme à la mode, tellement à la mode qu'il est difficile de donner une définition claire. En gros, c'est le développement de soi, de son être, de son potentiel pour apprendre ou réapprendre à être soi. En plus d'être une manière de vivre et d'être avec soi, le but du développement personnel, c'est aussi de donner un sens à sa vie, un sens plus grand. En fait, c'est répondre à la question de « comment j'aimerais contribuer au monde ?». Le fait de faire ça va vous permettre de mener une vie plus riche et épanouissante, et c'est quand même vachement plus fun de vivre bien et d'être heureux. Je peux vous donner des idées de sujets de développement personnel, par exemple la gestion du stress et des émotions, améliorer ses relations, s'épanouir professionnellement, se sentir en vitalité et en santé, gagner en confiance, mieux communiquer, apprendre à se connaître, et etc. Ma rencontre avec le développement personnel, c'était il y a plus de 18 ans. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être super âgée. Je me sentais pas très bien dans ma vie d'adolescente et j'ai commencé à lire des livres et d'ailleurs, à l'époque, on parlait pas vraiment de développement personnel. On parlait de spiritualité ou encore d'ésotérisme ou même de religion. C'était d'ailleurs vraiment difficile de trouver des livres qui ne parlaient pas de Dieu 50 fois par page ou d'esprit pour aborder la notion de développement de soi. Mais pourquoi t'allais pas regarder des vidéos sur internet, me demanderez-vous? Eh bien parce qu'à l'époque, YouTube n'existait pas encore. Non, ce n'était pas l'époque des dinosaures, mais le début des années 2000. Et aujourd'hui, bah, c'est tout l'inverse, on est tellement envahi de contenu sur le développement personnel que finalement, on se perd, on se sent un peu, beaucoup, dans la jungle et on sait pas trop quel chemin emprunter pour trouver la sortie. J'ai décidé aujourd'hui de vous partager mon expérience et mes outils. Bien évidemment, je partage une vision, des solutions qui ont fonctionné pour moi, et l'important, c'est que vous trouviez votre chemin à vous. J'étais une adolescente en apparence assez joyeuse, mais en réalité assez tourmentée. En fait, je me posais beaucoup de questions sur la vie, le sens, moi-même, et les personnes de mon âge ne partageaient pas du tout ces mêmes questionnements. Alors, pour tenter d'y répondre, je me suis mise à lire beaucoup de livres, mais vraiment beaucoup. Et j'ai acquis de très nombreuses connaissances sur le développement de moi. Du coup, dès que je croisais quelqu'un, je lui parlais de développement personnel. Et soit mon entourage était impressionné devant autant de maturité apparente, soit je saoulais avec cette attitude de « je sais tout », de donneuse de conseils non sollicités et puis maladroit au vu de mon innocent enthousiasme. Pendant longtemps, je pensais détenir une sorte de vérité sur le monde et je me confortais dans cette croyance. En fait, je me sentais toujours aussi mal avec moi-même, et pourtant, j'avais lu tellement de choses que je savais à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur le sujet. Après une période d'errance et d'incompréhension, j'ai compris qu'en fait, j'intellectualisais, mais que je ne vivais pas l'expérience. En gros, je vivais des trucs uniquement avec ma tête, mais pas avec mon cœur ni mon corps. J'ai donc compris à ce moment-là que les connaissances seules étaient inutiles et que pour me développer personnellement, il fallait simplement que je mette en application ce que j'avais lu. Enfin, je dis simplement, mais en fait, c'est justement la partie la plus difficile. Vu qu'il n'y a pas une, mais plein de manières différentes de se développer et de s'épanouir, je me suis donc mise à expérimenter de nombreuses techniques. La lithothérapie ou l'art des pierres de soins, l'aromathérapie via les huiles essentielles, la phytothérapie avec les plantes, la méditation, l'énergétique, la pensée positive, le miracle morning en me levant à 5h du matin, le MDR, l'hypnothérapie, et j'en passe. J'en ai expérimenté certaines seules, d'autres en étant accompagnées, et je cherchais la méthode miracle qui allait régler tous mes problèmes en une seule séance. Et à chaque fois naissait la même déception, bah ça marchait pas. En fait, je donnais tout mon pouvoir de guérison à l'autre, je voulais une technique magique, étant convaincu que les autres avaient le pouvoir de me guérir. C'est comme ça que je me retrouvais à dépenser des sommes improbables dans des objets également improbables, mais avec un discours commercial convaincant, mais mensonger. Comme ce bracelet porte-bonheur qui devait m'apporter, sans que je n'aie rien à faire, de la détente et de l'abondance, ou encore cette bague qui me permettrait de devenir invisible et de les gouverner tous. Aujourd'hui, j'ai acquis deux certitudes. Enfin, trois. Déjà, on ne peut pas devenir invisible. Rien n'est magique et tout dépend de moi quand il s'agit de mon propre développement personnel. Si une technique magique existait vraiment, elle serait connue depuis longtemps et tout le monde serait heureux et vivrait en harmonie avec lui-même, etc., etc. Voilà, je viens de casser de nombreuses illusions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Juste que ces solutions ne seront jamais magiques et que ça dépendra de vous uniquement. Le développement personnel, c'est aussi des dérives. Alors prenez conscience que vous êtes le seul à avoir les réponses qui vous concernent, qu'un coach ou un autre praticien vous aidera à développer votre potentiel et vos ressources pour que vous deveniez autonome. Autrement dit, l'accompagnement ne doit pas durer toute la vie, ni dépendre d'un objet ou d'un praticien. Personne n'a le pouvoir de vous faire changer. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes donc autonome et vous ne dépendez que de vous-même pour aller vers plus de bien-être. Alors ça reste utile de se faire accompagner temporairement pour avancer, dépasser ses blocages, modifier ses croyances et se remettre en action. En gros, si je m'auto-accompagne tout seul, je finis par tourner autour de la même roue de hamster et si je me fais accompagner, eh bien la personne va me sortir de cette roue grâce à un questionnement extérieur. Il existe d'ailleurs beaucoup de façons d'être aidé à se développer personnellement et deux mêmes praticiens dans un domaine identique ne vont pas avoir la même approche ou les mêmes outils ou encore la même vision, dynamique, énergie, personnalité. Donc finalement, pour savoir ce qui vous correspond le mieux, la meilleure des solutions, c'est l'expérimentation. L'expérience m'a permis de découvrir deux techniques qui m'ont vraiment aidé à avancer, à tel point que je les utilise aujourd'hui dans mes accompagnements. Je parle bien évidemment du coaching et de la technique EFT, Emotional Freedom Technique. Pour ce qui est de l'EFT, eh bien, vous pouvez retrouver une précédente chronique sur le sujet, et je vais me concentrer ici sur le coaching. J'ai découvert le coaching au travers d'une vidéo de développement personnel et j'ai trouvé les propos et la dynamique du coach assez incroyables, et je me suis d'ailleurs beaucoup retrouvé dans cette énergie. Je me suis lancé dans des recherches sur ce métier et j'ai expérimenté ce type d'accompagnement. J'ai adoré ce mécanisme de mouvement, aller vers ce que je voulais plutôt que de me tourner vers le passé, bien qu'il ait été nécessaire que j'y aille d'ailleurs. Mais à un moment donné, j'avais le sentiment de ressasser et de tourner en rond. Après ma formation, j'ai décidé de créer un accompagnement qui reprenait tout ce que j'avais adoré et tout ce qui m'avait manqué. Et à la fois, je travaille sur le passé avec des outils de thérapie brève et sur l'avenir avec des outils de coaching. Quand la personne est bloquée dans la réalisation de son objectif, nous allons faire un peu de nettoyage dans le passé et quand il n'y a plus de blocage, nous sommes focus sur la création de stratégies qui vont permettre d'atteindre l'objectif fixé. Ma manière de pratiquer le coaching est très dynamique, centrée action. Autrement dit, on bosse pendant les séances et entre deux séances, eh bien vous avez des choses à faire. Plus vous vous impliquez pendant et en dehors des séances, plus ça va vite, parce qu'encore une fois, tout dépend de vous. C'est très facile de faire foirer une séance d'ailleurs. Par exemple, commencez par reporter tous vos rendez-vous. Ne faites aucune des choses proposées et attendez que je résolve vos problèmes. Parfois, ce sont des comportements d'auto-sabordage parce que vous n'êtes pas prêt à changer, et c'est ok. Donc, en gros, en coaching, on fait le point sur votre situation, ce qui pose problème, on fixe un objectif et on définit une stratégie pour l'atteindre. Ensuite, on planifie des actions à réaliser, on agit, on évalue le résultat et on réajuste si besoin. Et quand il y a des blocages, de l'auto-sabordage ou un traumatisme important, on va faire un tour dans le passé en DeLorean pour nettoyer tout ça. Une de mes limites actuelles, c'est le temps et l'espace. Je peux accompagner environ 8 à 9 personnes par jour et malgré un renouvellement très régulier de ma clientèle, j'observe que beaucoup de gens ont besoin de se faire accompagner. C'est pourquoi mon prochain challenge est le projet Crocodé. C'est une application de développement personnel qui a pour but d'accompagner un maximum de personnes à gagner en mieux-être. Le but est de fixer un objectif et de réaliser des actions de moins de 10 minutes chaque jour pour avancer. Et puis on peut prendre rendez-vous avec des coachs certifiés quand on est face à un blocage ou à un besoin. Crocodé, c'est la suite logique de mon expérience dans le développement personnel, gagner en autonomie et devenir acteur de son bien-être. En résumé, il existe plein de manières de vous développer personnellement, à vous de trouver ce qui vous correspond par rapport à vos besoins, votre personnalité et votre sensibilité. Restez lucide et gardez en tête que quoi qu'il arrive, vous êtes le seul à savoir ce qui est réellement bon pour vous. Et que la connaissance seule ne vous changera pas. Bonne expérimentation et à bientôt pour une nouvelle chronique, je m'en tape. Je m'en tape. Je m'en tape. C'est comme ça, je m'en tape.